الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات ربي وسلامه عليه، ورضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. أما بعد، la louange à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a comblés de ses assises. La louange à Allah subhanahu wa ta'ala pour le bienfait de l'islam, le bienfait de la sunna, le bienfait de la voix de nos pupilles et des sœurs d'Allah alayhim. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous raffermir sur cette voie jusqu'à la fin de notre vie. Ba'da an marra ma'ana الباب الأول من كتاب التوحيد في فضل في معنى التوحيد، فبعد أن ذكر ذلك الإمام رحمه الله تعالى في الباب الأول ذكر في ماهية التوحيد ومعناه، أردف هذا الباب الذي يبين فيه رحمه الله تعالى فضل التوحيد وتكفيره للذنوب. وفضائل التوحيد لا تعد ولا تحصى، فهو الحسنة العظمى التي لا تفوقها حسنة. وتسلسل هذه الأبواب في هذا الكتاب تسلسل بعيد، بعد أن عرف رحمه الله تعالى التوحيد يعرفنا الآن بفضائله، وذلك لتشويقنا لتحقيقه والحرص عليه. فإن الله سبحانه وتعالى أبخك الإمام هو بفكاتور رحمه الله تعالى في البرومي شابتر كلاريفي لسنس دي توحيد إلا سوي دي سو شابتر دي جوردوي بو كلاريفي لميريت دي توحيد إي كومو إل إكسبيلي لي بيشي لميريت دي توحيد نو بوف با إتر كونتابيليزي سي لي نورم حسنة كي نا با سي تين حسنة كي نا با ديغال. Et on remarquera ici que l'ordre que l'imam a suivi dans le livre de l'unicité est extraordinaire. Après avoir donné la signification du tawhid, il donne maintenant les mérites du tawhid pour exciter notre envie à convoiter le tawhid et à le réaliser. Farahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a. Wa nata'ammal hadhihi an-nusus allati saqaha rahimahullah في بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. قال سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. دلت هذه الآية على أن من مات على التوحيد فله الأمن من العذاب في الآخرة، وهذا من فضل التوحيد. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي أخلصوا العبادة لله سبحانه وتعالى ولم يخلطوا توحيدهم بشرك، ولبس الشيء بالشيء تغطيته به وإحاطته به من جميع جهاته، ولا يغطي الإيمان ويحيط به ويلبسه إلا الكفر. ثم ذكر عز وجل ما أعد لعباده المخلصين من الجزاء: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أي الآمنون في الدنيا، الآمنون في الدنيا والآخرة، المهتدون إلى الصراط المستقيم. ولما نزلت هذه الآية شقت على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظنوا أن الظلم المشروط هو ظلم العبد لنفسه بالمعاصي، وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه. ونتأمل هنا كيف شق الأمر على أصحاب رسول الله، وماذا فهموا لكي يشق عليهم الأمر وهم أهل اللغة. وهذا إن دل على شيء إنما يدلك على أنه أن اللغة العربية لا تكفيك في فهم مفاهيم الشرع، فلا بد من أمور أخرى. العربية وسيلة، لكن لا بد من أمور أخرى مع اللغة العربية، تأمل هذا، هؤلاء عرب أقحاح، القرآن نزل بلغتهم والعربية طبيعتهم، ومع ذلك ماذا جرى لهم عندما سمعوا الآية؟ أولئك الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق عليهم الأمر، فظنوا أن الظلم هنا هو المعاصي، فقالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه؟ قال ليس كما تقولون، لم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك، أولم تسمعوا إلى قول لقمان إن الشرك لظلم عظيم. فبين عليه الصلاة والسلام أن من لم يلبس إيمانه بهذا الظلم الذي هو الشرك كان من أهل الأمن والاهتداء، كما كان أيضا من أهل الاصطفاء، كما في قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. مديت خيرنا الله سبحانه وتعالى منتنو للتكست كسيت الإمام رحمه الله dans ce chapitre. Il les a cités pour clarifier les mérites du tawhid et comment le tawhid expie les péchés. Le premier verset qu'il a cité, la traduction approximative du sens du verset nous dit cela: ceux qui ont cru, ils n'ont point enveloppé leur foi par une injustice. Eux seuls obtiendront cette sécurité et eux seuls sont bien guidés. On retient de ce verset que celui qui meurt en étant monothéiste aura la garantie de ne pas être châtié dans le delà. Et ça, c'est un grand mérite du tawhid. Ceux qui sont cités dans le verset, ce sont ceux qui ont réservé le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala et qui n'ont pas mélangé leur tawhid avec du shirk. Le terme employé dans le verset, la miel bisou, veut dire ils n'ont pas habillé. Habiller une chose par une chose, ça veut dire l'envelopper complètement de tous les côtés, l'entourer avec de tous les côtés. Et rien n'habille shirk, rien n'habille iman, il ne l'enveloppe que le kofr et l'associationnisme. Et puis subhanahu wa ta'ala a cité ceux qu'il a réservés ou sincères comme récompense. Eux seuls obtiendront cette sécurité. C'est-à-dire, ils ont la sécurité dans ce bas monde et dans le delà. Et ils sont guidés sur la voie droite. Et on remarquera ici que les nobles compagnons, quand ce verset fait révéler, il a été très dur pour eux. Ils ont cru que l'injustice ici, c'est que la personne soit injuste envers lui-même en commettant des péchés. Et que celui qui commet des péchés, il n'a ni guidé ni sécurité. Hein? Celui qui a été injuste envers lui-même avec les péchés, il n'a ni guidé ni sécurité. C'est ce qu'ils ont compris au départ. Et cela a été dur pour eux. Pourtant, ce sont des gens dont l'arabe est la nature. Et cela, si cela nous prouve quelque chose, ça nous prouve que l'arabe n'est pas suffisant pour immiscer son nez et commencer à déserter dans la religion d'Allah. Que on a besoin, l'arabe est un outil et qu'on a besoin de beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres outils. Regardez ces nobles compagnons, alors que l'arabe, c'est leur nature, et pourtant, hein, le verset quand il est descendu, il a été dur pour eux. Il a été dur pour eux parce qu'ils ont compris autre chose que la signification du verset. Hein? Et donc, ils ont dit au messager d'Allah, qui parmi nous n'a pas été injuste avec lui-même? C'est-à-dire qu'il n'a pas commis de péché. Le messager a répondu, ce n'est pas comme vous dites. Ce n'est pas ce que vous avez compris. Il a dit, ils n'ont pas habillé leur foi par une injustice, veut dire, ils n'ont pas enveloppé leur foi par du shirk. C'est-à-dire, ils n'ont pas mélangé leurs actes avec du shirk. Et il les a orientés, alayhi salatu wassalam, vers la réelle signification. Il leur avait dit, n'avez-vous pas entendu la parole de Luqman qui a dit à son fils, car le polythéisme est une immense injustice. Il a le messager alayhi salatu wassalam à clarifier à ses nobles compagnons, que celui qui ne mélange pas sa foi avec cette énorme injustice qui est le shirk, le polythéisme, sera parmi les gens de la guidée et ceux qui auront cette sécurité. Donc la traduction du sens du verset serait ainsi, ceux qui ont cru, ils n'ont point entaché leur foi de quelque association au polythéisme, eux seuls obtiendront cette sécurité et eux seuls seront bien guidés. Ici, un point essentiel doit attirer notre attention. On doit faire très attention qu'au moment où on lit quelque chose en arabe, qu'on doit toujours avoir à l'esprit que les termes en langue arabe ont plusieurs définitions. Il y a la définition traditionnelle, la définition linguistique, et tu rajoutes à ça la définition au niveau de la terminologie de la législation. Et cela se comprend à travers les textes et le contexte dans lequel est utilisée la phrase ou le mot. Donc, frère en Allah, subhanahu wa ta'ala, celui qui n'habille pas, qui ne mélange pas sa foi avec l'immense injustice sera parmi les élus qui sont cités dans l'autre verset. L'autre verset qui nous dit dans la traduction approximative du sens du verset, nous avons ensuite donné le livre en héritage à nos serviteurs que nous avons élus. Qui sont ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a élus? Il est dit dans le verset, parmi eux, il en est des injustes envers eux-mêmes. Dalimul li nafsi. Avec quoi? En commettant des péchés. Qui se font du tort à eux-mêmes. D'autres qui se conforment au livre modérément. Et d'autres qui s'empressent d'accomplir de bonnes œuvres par la permission d'Allah, telle est l'immense grâce. Il y a trois catégories dans le verset. Ceux qui commettent, ils sont croyants, ils font des œuvres, mais ils mélangent des péchés avec. Ceux-là, ce sont les injustes. Les économes, ils mettent en application les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, s'abstiennent de ce qu'il a interdit, ceux qui sont qui œuvrent modérément. Et la troisième catégorie qui est au plus haut niveau, ils mettent en application les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, s'abstiennent de ce qu'il a interdit, ils rajoutent à cela les sérogatoires. Et des fois même, ils délaissent certaines choses qui sont autorisées pour ne pas tomber dans ce qui n'est pas autorisé. وَالظُّلْمُ إِخْوَةَ الْإِسْلَامِ هُوَ وَضْعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ. وأصل الظلم في اللغة العربية وضع الشيء في غير موضعه هذا أصله ومنه سمي الشرك ظلما لماذا والمشرك ظالما لأنه وضع العبادة في غير موضعها وصرفها لغير مستحقها فكان ظالما والظلم ثلاثة أنواع الأول ظلم العبد لنفسه بالشرك وهو أعظم أنواع الظلم وسمي الشرك ظلما والمشرك ظالما لأنه وضع العبادة في غير موضعها أو صرفها لغير مستحقها قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم النوع الثاني ظلم العبد نفسه بالمعاصي كما في قوله تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما النوع الثالث ظلم العباد في أنفسهم في أموالهم أو في أعراضهم فمن سلم من أنواع الظلم الثلاثة كان له الأمن التام والاهتداء التام في الدنيا والآخرة. ومن سلم من الظلم الأكبر ولم يسلم من النوع الآخرين حصل له نقص من الأمن والاهتداء على قدر ظلمه لنفسه وظلمه للعباد. ومن لم يسلم من الظلم الأكبر لم يكن له أمن ولا اهتداء في الدنيا ولا في الآخرة. Donc l'injustice, en langue arabe, c'est mettre, c'est le fait de ne pas mettre une chose à sa place. C'est pour ça que le polythéisme ou le shirk a été appelé injustice. Le mushrik est injuste, a été appelé injuste, car il a mis l'adoration là où il ne faut pas. Et il a voué l'adoration à celui qui ne la mérite pas. L'injustice est de trois sortes. La personne est injuste avec lui-même par le polythéisme. Et c'est le plus grave, la plus grave des injustices. Le mushrik est appelé ainsi injuste et le shirk injustice, car l'adoration n'a pas été mise à sa place ou il a été voué à quelqu'un d'autre qu'Allah. Le verset dans la traduction approximative du sens le dit, le shirk est l'immense injustice. La deuxième forme d'injustice, la personne est injuste avec lui-même par la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, par le fait de commettre des péchés. Et cela est stipulé dans l'autre verset dont la traduction approximative du sens du verset nous dit « Quiconque agit injustement en se faisant du tort à lui-même, puis implore le pardon d'Allah, trouvera Allah pardonneur et miséricordieux. » Il se fait du tort à lui-même avec quoi? Avec les péchés. Avec la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. La troisième forme d'injustice, c'est le fait d'être injuste avec autrui, avec les autres, en leur faisant subir des préjudices, soit en ce qui concerne leur argent, soit en ce qui concerne leurs honneurs, soit en ce qui concerne leur personne. Hein? Ça, c'est aussi une forme d'injustice. Et celui qui est épargné des trois formes d'injustice aura la sécurité complète, il a guidé dans ce bas monde et dans le delà. Quant à celui qui est épargné de la plus grave injustice, de la plus grave des injustices qui est le shirk, sa sécurité et sa guidée sera diminuée selon la gravité de l'injustice envers lui-même et envers les autres. Quant à celui qui n'est pas épargné de la plus grave des injustices qui est le shirk, il n'aura ni la sécurité, ni la guidée, ni dans ce bas monde, ni dans le delà. وفي الحديث الذي رواه الإمام البخاري والإمام مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وهذا فيه هذا الحديث فيه أن من شاهد بهذه الخمس المذكورة في هذا الحديث عن علم ويقين كانت له كفارة لذنوبه ويدخل الجنة. وهذا من فضل التوحيد، من فضل الله سبحانه وتعالى على الموحدين. Dans le hadith rapporté par l'imam Muslim et par l'imam Bukhari, rahimahullah, rahimahumullah jami'an, selon Ubadat ibn Samit, radiyallahu anhu, Le messager d'Allah a dit, quiconque atteste que nul n'est en droit d'être adoré à part Allah uniquement, sans rien lui associer, et que Muhammad est son serviteur et son messager, et que Isa est le serviteur d'Allah et son messager, et sa parole qu'il a envoyée à Maryam est une âme créée par Allah, et que le paradis est une vérité, et que l'enfer est une vérité, Allah le fera entrer au paradis, quels que ce soient ses actes. Peu importe ses actes, il le rentrera au paradis. Ce hadith prouve que celui qui atteste ces cinq choses qui sont citées dans ce hadith avec certitude et avec savoir, en sachant le sens de ce qu'il atteste, obtiendra l'expiation de ses péchés et rentrera au paradis. Et ça, ce sont les mérites du tawhid. Dans le hadith, il y a une preuve évidente sur les mérites du tawhid. Et c'est le rapport du hadith avec ce chapitre. Parce que il est stipulé dans ce hadith, l'expiation des péchés et le mérite du tawhid. الحديث اشتمل على هذه الأمور الخمسة وهي أمور مهمة. أمر الأول شهادة أن لا إله إلا الله، ومعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، ولا تنفع قائلها إلا إذا كان عارفا معناها، عاملا بمقتضاها، سالما مما ينافيها. أما من تلفظ بها فقط ولم يعمل بما دلت عليه لم تنفعه. والحاصل أن لا إله إلا الله لا تنفع إلا من عرف مدلولها نفيا وإثباتا واعتقد ذلك وقبله وعمل به. وأما من قالها من غير علم بمعناها ولا اعتقاد ولا عمل بمقتضاها من نفي الشرك وإخلاص القول والعمل لله وحده فغير نافع له بالإجماع، بل تكون حجة عليه. والمشركون الأولون جحدوها لفظا ومعنا، فإنه صلى الله عليه وسلم لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ومشركو زماننا قالوا بها لفظا وجحدوا معناها لم يعملوا به، فتجد أحدهم يقولها ويأله غير الله بأنواع العبادة، بل يخلصون العبادة في الشدائد لغير الله، مع أن المشركون الأولون مشركو العرب كانوا يخلصون العبادة في الشدائد لله، وهؤلاء في الرخاء وفي الشدة كلها لغير الله عز وجل، فهم أجهل من مشرك العرب. ومن زعم أن من أقر بأن الله وحده خالق كل شيء فهو الموحد، فليس الأمر كذلك أبدا، حتى يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنه سبحانه وتعالى وحده هو المستحق للعبادة، ويلتزم بذلك ويلتزم بما أوجبت عليه هذه الكلمة. Nos frères en Allah subhanahu wa ta'ala, ce hadith contient cinq choses importantes. La première, l'attestation n'est digne d'être adoré qu'Allah, dont la signification nous dit que nul n'est en droit d'être adoré à part Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'on ne doit lui donner aucun associé dans n'importe quelle forme d'adoration, que ce soit au niveau des paroles ou que ce soit au niveau des actes. Et cette attestation ne servira à celui qui la prononce que s'il connaît son sens et sa signification, et met en application ses obligations et s'éloigne de tout ce qu'il annule. Quant à celui qui la prononce sans la mettre en application, il ne lui servira rien du tout. La ilaha illallah ne sera profitable qu'à celui qui connaît ce qu'il contient comme affirmation et comme négation. Il y croit, l'accepte, la met en application. Quant à celui qui l'a dit sans comprendre son sens et sans comprendre ce que contient cette parole « La ilaha illallah », il n'y croit pas, il ne met pas en application ses droits en rejetant le shirk et en s'éloignant du shirk et s'il n'est pas sincère dans les paroles et dans les œuvres, ben cette parole ne lui sera d'aucune utilité. Et ceci est à l'unanimité que cette parole ne servira pas à cette personne. L'unanimité de ceux dont l'unanimité est considérée, parce qu'il y a des unanimités qui sont à rejeter. Hein? L'unanimité des dignes de la voix de notre messager alayhi salam et de ceux qui les suivent à la perfection. Dans ces cas-là, la personne qui l'a dit, qui ne connaît pas son sens et qui œuvre contrairement à son sens, il sera une preuve contre lui, tout simplement. Les premiers associateurs ont refusé de la prononcer. Ceux vers lesquels a été envoyé Mohammed a.s. ont rejeté cette phrase « La ilaha illallah », ils l'ont refusée parce qu'ils comprenaient ce qu'il contenait comme affirmation et comme négation. Donc ils l'ont rejeté par connaissance de cause. Et ils ont dit, comme cela est cité dans la traduction approximative du sens du verset, cherche-t-il à réduire les divinités à une seule divinité? Voilà quelque chose d'étrange. Ainsi ils ont réagi. Hein, parce qu'ils savent que du moment qu'ils la prononcent, ils doivent tout rejeter. Tout ce qui s'adore en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant aux associateurs de notre époque, ils l'ont prononcé et ont rejeté son sens. Contrairement aux associateurs de la période pré-islamique, tu vois l'un de nos contemporains dire « La ilaha illallah » et vouer des actes d'adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il voue le culte sincère à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala au moment des détresses. Il vous dit culte sincère à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Nos contemporains sont plus ignorants que les polythéistes de l'époque pré-islamique. Car ceux de la période pré-islamique comprenaient le sens, ils savaient ce que ça voulait dire. Et en plus de ça, dans les moments de difficulté et de détresse, ils étaient sincères dans leur adoration et dans leur demande. Ils l'avouaient exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que les associateurs de notre époque, au moment des difficultés, au moment de l'aisance, tout est voué à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et donc celui qui prétend que quiconque approuve et confirme qu'Allah est le seul créateur, et le seul créateur de toutes les créatures, que celui-là est un monothéiste, cela est faux. Mais il est obligatoire que la personne atteste que le culte doit être réservé exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala sans aucun associé et que c'est seul Allah qui mérite l'adoration. Sans ça, qu'il la dise et qu'il la répète comme il veut. S'il ne vaut pas le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, il ne lui servira à rien. Al-amru al-thani fi hadha al-hadith min al-umuri al-khamsa شهادة أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم موصوف في هذا الحديث بوصفين بصفتين. الأولى أنه عبد لله ليس له شيء من خصائص الإلهية ولا الربوبية، وهذا رد على من غلا فيه وتوجه إليه بالدعاء والاستغاثة وغير ذلك من أنواع العبادة التي لا تصلح إلا لله وحده لا شريك له. الصفة الثانية أنه رسول من عند الله، أرسله الله إلى جميع الخلق الجن والإنس، والواجب علينا على الجن وعلى الإنس طاعته، وفي هذا رد على من ترك طاعته واتبع هواه. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. Donc le deuxième point, et le deuxième point contenu dans ce hadith, parmi les cinq points contenus dans ce hadith, c'est l'attestation que Muhammad est le soumis à Allah et le messager d'Allah. Le messager d'Allah est qualifié dans ce hadith par deux qualificatifs. Le premier, que c'est un soumis à Allah, c'est un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela veut dire qu'il a rien de la divinité. Et qu'aucun culte ne doit être voué à Muhammad alayhi salatu wassalam. Et qu'il a aussi rien de la seigneurie. Il ne peut rien. Salawatu rabbi wa salamu alayhi. Et dans cela, dans cette phrase, il y a la réplique à ceux qui ont exagéré concernant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En implorant le prophète alayhi salatu wassalam, et en demandant le secours directement au prophète alayhi salatu wassalam, et en voulant d'autres formes d'adoration à Muhammad alayhi salatu wassalam, ces formes d'adoration qui ne sont dues qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième qualificatif, c'est qu'il est le messager d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé aux créatures, que ce soit les humains ou que ce soit les djinns. Et qu'il est obligatoire aux djinns et aux humains de lui obéir. Et dans cela, il y a une réplique à ceux qui suivent, qui lui désobéissent et qui suivent leur passion. S'il a été envoyé, c'est pour le suivre. Et la signification de l'attestation Muhammad et le messager d'Allah, et le soumis le messager d'Allah, cela veut dire tout simplement lui obéir dans tout ce qu'il a ordonné et prendre comme véridique, attester la véracité de tout ce qu'il a annoncé et aussi d'éviter tout ce qu'il a interdit. Et qu'Allah ne doit être adoré qu'avec ce qu'il a légiféré. Et cette législation, il nous est arrivé par le biais de qui? Sinon par le biais de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. الأمر الثالث في الحديث أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وصف صلى الله عليه وسلم عيسى عليه السلام في هذا الحديث بأربعة أوصاف: أنه عبد الله، وفي هذا رد على النصارى الذين زعموا أنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وأنه رسوله، وفي هذا رد على اليهود الذين كذبوا برسالته ووقعوا في عرضه. Et le troisième point contenu dans ce hadith, le prophète عليه الصلاة والسلام a dit que Isa est le serviteur d'Allah et son messager, et que c'est la parole qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé avec, et qu'il a été créé par la parole soit, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé avec Jibril pour la souffler dans Maryam, alayhi salatu wa salam. Rasul sallallahu alayhi wa sallam a décrit Isa alayhi salam dans ce hadith avec quatre qualificatifs. Qu'il est le soumis à Allah. Et dans cela, il y a la réplique aux chrétiens qui prétendent qu'il est Allah, ou qu'il est le fils d'Allah, ou qu'il est le troisième de trois. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, est au-dessus de tout ce qu'ils ont dit. Et il a décrit aussi étant le messager d'Allah. Et dans cela, il y a une réplique aux juifs qui n'ont pas cru en son message et qui ont calomnié son honneur, alayhi salatu wassalam. والأمر الرابع وكلمته ألقاها إلى مريم، أي خلقه الله سبحانه وتعالى بكلمة كن، أرسل بها جبريل عليه السلام إلى مريم فنفخ فيها من روحه بإذن ربه، وروح منه، فعيسى عليه السلام روح من الأرواح التي خلقها الله كسائر الخلق. وإضافة الروح إلى الله سبحانه وتعالى هذه إضافة تشريف وتكريم. Et donc parmi le quatrième point qui est contenu dans ce hadith, c'est le messager a dit, c'est une parole que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyée à Maryam. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé Isa par le terme soit et il est, soit et il est. Ce terme et cette parole avec laquelle il a envoyé Jibril alayhi salatu wassalam, qu'il a soufflé, dont Maryam, qui a soufflé cette âme créée par Allah subhanahu wa ta'ala dans Maryam. L'âme est une âme d'Allah. Isa alayhi salatu wassalam, c'est une âme parmi les âmes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créées, comme toutes les autres âmes. Et Allah subhanahu wa ta'ala s'est annexé, وَرُوحٌ مِنْهِ إِلَّا أَنِكْسَ عَلِي لُمَمْ. Pourquoi? Pour l'honneur. Pour l'honorabilité. Tout simplement. قال عليه الصلاة والسلام وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَالنَّارَ حَقٌّ. وهذا هو الأمر الخامس في الحديث. الإيمان بالجنة والنار من جملة الإيمان باليوم الآخر. ولكن خصهما الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الشهادة بالذكر لأنها مستقر ونهاية الأبرار والفجار، فالجنة دار الأبرار والنار دار الفجار. Et le cinquième point qui est contenu dans ce hadith, le paradis est une vérité et l'enfer est une vérité. La foi, croire en le paradis ou en l'enfer, fait partie de la foi ou le jour dernier. Mais Rasoul sallallahu alayhi wa sallam les a cités ici, dans cette attestation, parce que c'est la demeure finale. Ce sont les deux demeures finales. Le paradis pour ceux qui étaient soumis à Allah subhanahu wa ta'ala et qui ont œuvré comme Allah subhanahu wa ta'ala aime et agré, et l'enfer pour les pervers et pour les injustes. Et ceux qui n'ont pas accompli ce que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'ils accomplissent dans ce bas monde. وتمرت الشهادة بالأمور الخمسة السابقة التي اشتمل عليها هذا الحديث دخول الجنة على ما كان من العمل. فالموحد في دخول الجنة على أمرين، على أحد أمرين، إما أن يلقى الله سالما من جميع الذنوب فيدخل الجنة من أول وهلة، أو أن يلقى الله وهو مصر على ذنب دون الشرك فهو تحت المشيئة. إن شاء سبحانه وتعالى عفا عنه بفضله ورحمته وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه ثم أدخله الجنة، وهذا عدل منه سبحانه وتعالى. L'effet de ces cinq choses qui sont citées dans le hadith du messager alayhi salatu wassalam. Leur bien-effet, c'est le fait de rentrer et de mériter le paradis, peu importe les œuvres qu'aura accomplies la personne. Et nous avons deux situations concernant l'entrée du monothéiste au paradis. Soit le monothéiste rencontre Allah sans aucun péché, et dans ce cas-là, il rentre au paradis directement. Soit il rencontre Allah en étant obstiné sur certains péchés en dehors du shirk. Et dans ce cas-là, cette situation dépend du vouloir d'Allah. Si Allah veut, il lui pardonne de par sa miséricorde et de par sa grâce, et il le fait rentrer au paradis. Ou alors Allah subhanahu wa ta'ala le châtiera Et ceci, c'est une justice qui s'accomplit pour les péchés qu'il aura accomplis cette personne. Et cette justice, par ce châtiment, c'est une purification des croyants. Et puis après, il le fera rentrer au paradis. Quant au polythéisme qui est dans le polythéisme majeur, Hada, il ne faut même pas qu'il espère l'entrée, l'odeur du paradis. Là, c'est décrété directement le feu de l'enfer, sans aucune, il n'y a pas de doute là-dessus. Walid Bukhari, rahimahullah, wa muslim min hadith Utban, قال فإنه حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. دل هذا الحديث على أن من وحد الله قولا واعتقادا وعملا حرم الله عليه دخول النار وذلك من فضل التوحيد. وعلاقة هذا الحديث بالباب أنه يبين لك فضل الموت على التوحيد. من تلفظ بكلمة التوحيد لا إله إلا الله ولم يعمل بها لم تنفعه أبدا. وقد حرم الله عز وجل على النار من أتى بلا إله إلا الله مخلصا من قلبه ومات على ذلك، كما دل عليه حديث عتبان، هذا معنا رضي الله عنه وارضاه، الذي قيد الحديث السابق حديث عبادة المطلق بقوله يبتغي بذلك وجه الله، جاءت في الحديث قبلها مطلقة، وجهد الحديث لكي يقيدها بقوله عليه الصلاة والسلام يبتغي بذلك وجه الله. فإن الله سبحانه وتعالى سلون إمام بخاري الإمام مسلم دور حديث عتبان ولم يستجي صلى الله عليه وسلم دي الله certain interdit l'enfer à quiconque qui atteste que nul n'est en droit d'être adoré à part Allah, cherchant par cette attestation la face d'Allah. Ce hadith nous prouve que celui qui réalise le tawhid au niveau de la parole, au niveau de la croyance et au niveau des actes, Allah subhanahu wa ta'ala l'interdit au feu de l'enfer. Et cela fait partie des mérites du tawhid. Ce hadith nous clarifie sur le mérite du tawhid et sur la situation de ceux qui meurent en étant monothéistes. Le hadith prouve aussi que celui qui prononce la ilaha illallah, la parole de l'unicité, et ne la met pas en application, cela ne lui servira à rien. Allah a certes interdit au feu de l'enfer celui qu'il la réalise avec sincérité dans son cœur, et meurt dans cette situation. Comme cela est prouvé dans ce hadith de Utban. Ce hadith de Utban, il vient pour conditionner le hadith d'avant. Dans le hadith d'avant, l'attestation est citée comme ça, il prononce la ilaha illallah comme ça dans le sens absolu. Ce hadith de Utban vient la conditionner. Avec quoi il la conditionne? Il veut avec la face d'Allah. C'est-à-dire, il la prononce en venant avec sincérité. Il cherche avec la face d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ce qui veut dire qu'il la réalise avec sincérité pour Allah. Qala Sheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah rahimahullah wa ghayruhu min ahli al-ilm, قالها بصدق وإخلاص ويقين ومات على ذلك. فإن حقيقة التوحيد انجذاب القلب إلى الله جملة بأن يتوب من الذنوب توبة نصوحا، فإذا مات على تلك الحال نال ذلك، فإنه قد تواترت الأحاديث بأنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة وما يزن خرزلة وما يزن ذرة. وتوالتت الأحاديث بأن كثيرا ممن يقولها يدخل النار ثم يخرج منها، وتوالتت بأنه يحرم على النار من قال لا إله إلا الله ومن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن جاءت مقيدة بقيود انتقال. لا بد من تحقيق قيودها وتحقيق شروطها وأركانها وواجباتها، ليست فقط كلمة تقال هكذا باللسان. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ainsi que d'autres de science nous clarifie sur cette situation. Il a dit cette attestation. Il a dit la personne qui va être privée et sauvée du feu de l'enfer, hein, c'est la personne qui a prononcé cette attestation avec véracité et avec sincérité et avec certitude. Et il est mort dans cette situation en ayant la certitude sur la ilaha illallah, ou la disons avec sincérité et en sachant ce que ça signifie, etc. Car la réalité du tawhid, il dit rahimahullah, c'est que le cœur doit être orienté et tiré vers Allah subhanahu wa ta'ala complètement. Doit être tiré et orienté complètement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit la personne doit se repentir des péchés, d'un repentir sincère. S'il meurt dans cette situation, il aura cette récompense. C'est-à-dire d'être épargné du feu de l'enfer. Et il a dit rahimahullah, il a été rapporté de façon incessante, c'est-à-dire par plusieurs voies, des hadiths où il est dit sortira du feu celui qui dit la ilaha illallah et dans son cœur il y a un grain d'orge de bien, un grain de moutarde de bien, comme il a été rapporté de façon insistante par plusieurs voies que beaucoup parmi ceux qui la prononcent rentreront en enfer puis ils en sortiront. Et de façon insistante, il a été rapporté que le feu est interdit pour celui qui dit la ilaha illallah et celui qui atteste qu'il n'y a de digne d'être adoré qu'Allah et Muhammad est le messager d'Allah. Mais cela est conditionné par d'énormes conditions. Fin des paroles de Cheikh l'Islam. Cela nous apprend quoi? Nous apprend qu'il est obligatoire de réaliser les conditions de la ilaha illallah et de réaliser les piliers de la ilaha illallah, et de réaliser dans notre vie les obligations de cette attestation. Et ce n'est pas une simple parole qu'on prononce comme ça, qu'on prononce tout simplement par la langue. Là, on arrête là, Inch'Allah, on reprend après, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdik, shadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa salli allahumma wa sallim wa barik على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا.